Quelques gouttes d'artifice suffisent à me bercer d'insouciance. Donc je m'enfuis en me noyant viscéralement dans ces bouteilles. J'ai si honte, mais dans ce vide la mine de vie sans bouteille. Je m'en couvre au fur et à mesure sans mesurer les conséquences. Et la tristesse m'a l'usure démesurée, la fréquence à laquelle je me sers un verre pour m'y noyer volontairement. Un verre en place sans les prières et ce depuis son enterrement. Malheureusement, l'alcool est la seule porte vers l'oubli. Dans l'état où je me trouve, c'est la seule que je puisse souffrir. Je me sens submergé par ces larmes qui forment une pluie. Car il est trop difficile pour moi de vous voir souffrir. Quoi que je fasse, rien ne va. Quoi que je dise, ça ne change pas. Submergé par le désespoir, je vois pour que tout soit moins noir. Pourquoi me l'a-t-on enlevé? Je ne peux vivre sans elle. Je rêvais de m'envoler, mais comment pourrais-je sans elle? La mort,